إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 46 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Sheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah. Et on a complété les deux premiers fondements du livre, Al-Usul al-Awwal wa al-Thani. Le premier fondement, yani ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Et le deuxième fondement, ma'rifatu al-din al-Islam bil adilla. Maintenant, c'est le troisième fondement, ma'rifatu nabi sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit dans al-usul al-thalatha wal-asl al-thalith ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة ومنها 40 قبل النبوة 23 نبيا رسولا نُبِّئَ بِإِقْرَةٍ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit dans le début, dans l'introduction du troisième fondement, il dit que le troisième fondement, c'est de connaître votre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et son nom, c'est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim est de la tribu de Quraysh. Hashim fait partie de la tribu de Quraysh et Quraysh fait partie des tribus des Arabes et les Arabes sont les fils descendants de Ismaïl qui est le fils de Ibrahim al-Khalil, hein, l'ami proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc que la paix et le salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans. Parmi ces 63 ans, il a vécu 40 avant la prophétie, c'est-à-dire avant de recevoir la révélation. Il est resté 40 ans avant de recevoir la révélation. Et il avait, à l'âge de sa mort, donc 63 ans. Donc il a vécu 23 ans prophète et messager. Il dit ensuite qu'il est devenu prophète lorsqu'il a reçu le verset Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, et il a été envoyé en tant que messager lorsqu'il a reçu Surat al-Muddathir. Iqra qui signifie l'ordre, le verbe impératif de lire, et Al-Mudathir, c'est celui qui est recouvert. Donc le Cheikh, Cheikh Zayd Al-Madkhali, hafizahullah, il commence en disant Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أما بعد فقد مضى معنا الحديث في الدروس الماضية عن إيضاح الأصل الأول والثاني من الأصول الثلاثة وموضوع هذا الدرس الأصل الثالث والأصل الثالث يتعلق بمعرفة نبينا محمد ومعرفة الشر يعني بمعرفة نبينا محمدا محمد صلى الله عليه وسلم يتعلق بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية شرعية من حيث النسب ومن حيث البلد ومن حيث ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة وهو أهم شيء في الموضوع والذي يجب أن يعتني بمعرفته بالتفصيل. Donc le Cheikh, Cheikh Zayd al-Madkhali, il dit « Louange à Allah subhanahu wa ta'ala et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Ensuite, on a vu dans ce qui a précédé, parmi les cours, yani les cours passés, on a clarifié qu'est-ce qui a rapport avec le premier et le deuxième fondement parmi les fondements de Al-Usul al-Thalatha. Et le sujet de ce cours, c'est maintenant le troisième fondement. Et le troisième fondement, qu'est-ce qu'il signifie ou de quoi il parle? Eh bien, il est rattaché au fait de connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une connaissance réelle et légale, c'est-à-dire selon la réalité qu'il était en tant qu'homme et une connaissance selon la révélation, c'est-à-dire qui il était par rapport à sa mission et par rapport à la révélation qu'il a reçue. Donc on veut savoir premièrement quelle était sa généalogie, c'est-à-dire de qui il descend, et aussi yani, de quelle origine ou de quel endroit il vient dans le monde, sur le plan, c'est-à-dire géographiquement, de quel pays il vient. Et on veut savoir également qu'est-ce qu'il a ramené, c'est-à-dire de qu'est-ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là. Et le Cheikh explique que ça, c'est-à-dire le dernier point, ce qu'il a ramené, c'est le plus important dans ce sujet-là. Et il dit que c'est obligatoire donc pour nous de connaître cet aspect-là en détail et de lui donner une importance. Le Cheikh dit ensuite وقد بين المؤلف رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Donc le Cheikh il dit que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a clarifié la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une partie de sa généalogie, en disant que son nom c'était Mohammed, le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, le fils de Hashim, le yani de la tribu de Quraysh, et il dit ensuite que Quraysh fait partie des Arabes, et ensuite que les Arabes sont les descendants de Ismaïl, qui lui-même est le fils de Ibrahim al-Khalil, alayhi, que Allah envoie sa paix et son salut et ses éloges sur lui, c'est-à-dire sur Ibrahim, ainsi que sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit وبين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. C'est-à-dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a expliqué que yani le prophète صلى الله عليه وسلم a vécu en tout 63 ans, et parmi ces 63 ans, il a vécu 40 ans avant d'être prophète, et à 40 ans il a reçu la prophétie, et il a vécu par la suite 23 ans en tant que messager et prophète. كما أوضح المؤلف رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر ونبئ بإقرأ أي أوحى الله عز وجل إليه صدر سورة إقرأ من بدايتها إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم ثم فتر الوحي بعد ذلك مدة ثم بعد ذلك أمره الله تعالى بإبلاغ الأمة حيث قال له يا أيها المدثر قم فأنذر. Donc le cheikh explique que ensuite l'auteur, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a clarifié que l'auteur, il a clarifié que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu donc la première révélation par laquelle il est devenu prophète, qui est le verset qui dit Iqra, le verset qui ordonne de au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter, de lire. Et il a été par la suite envoyé comme messager lorsqu'il a reçu le verset ou les premiers versets de Surat al-Muddathir. Donc quand il dit Nubbi Abi Iqra, c'est-à-dire il est devenu prophète par la révélation de la surah qu'on appelle Al-Alaq, le début de la surah, yani Iqra, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé donc le début de Surat al-Alaq, Surat Iqra, du début jusqu'au verset 5. Allama al-insana ma lam ya'lam, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné ce qu'il ne connaissait pas. Puis ensuite, il y a eu un arrêt dans la révélation. Il n'y a pas eu de révélation pendant un bon bout de temps. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre à la Umma le message, de commencer à faire la da'wah et à prêcher le message. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans les versets 1 et 2 dans Surat al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: ô toi qui es recouvert d'un manteau, lève-toi et avertis. Donc le cheikh il explique, cheikh Zayd dit: هذا النداء له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي أول ما نزل صدر سورة إقرأ رجع إلى أهله وقال دثروني أي يطلب أن يغطى بالثياب لشدة ما وجد وفي لشدة ما وجد وفي رواية زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. ففي نزول صدر سورة اقرأ لم يؤمر بإبلاغ بالبلاغ مباشرة ولكن ليعلم شيئا من الوحي. وأما في سورة المدثر فقد أمره تبارك وتعالى بالإنذار والعبادة. Donc le cheikh il explique que la raison et la cause pour laquelle il a été appelé dans Surat al-Muddathir au début, c'est parce qu'il y a une cause à ça. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé Surat Iqra au début. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé Surat Iqra. Puis il est retourné chez lui. Il était effrayé. Alors il a dit à sa femme: Dathiruni. C'est-à-dire couvre-moi avec un vêtement. Parce qu'il avait eu peur. Et dans une autre narration, il a dit Zammilouni, Zammilouni, c'est-à-dire recouvre-moi avec un tissu ou un drap ou quelque chose comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à ce moment-là yani, le verset dans Surat al-Muddathir 1 et 2. Ô toi qui es recouvert d'un manteau, lève-toi et yani, lève-toi et avertis. Et l'autre, c'est dans Surat al-Muzzammil, c'est-à-dire celui qui est recouvert d'un drap et qui dit ô toi qui ya ayyuhal muzzammil qum al-layla illa qalila, c'est-à-dire ô toi qui es recouvert d'un drap, lève-toi yani pour établir la prière la nuit, hein? C'est-à-dire lève-toi pour faire la prière de la nuit, hein? C'est-à-dire celui qui est enveloppé, hein, d'un vêtement ou d'un tissu. Donc ça c'est la cause de la révélation de ces deux sourates, ou le début de ces deux sourates là. Donc le cheikh il dit que donc au début, lorsqu'il a reçu la révélation de sourate Iqra, il n'a pas été ordonné de transmettre le verset directement, mais c'est pour qu'il connaisse quelque chose de la révélation. Mais ensuite, quand il a reçu sourate Al-Muddathir, eh bien c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'avertir et d'adorer. Donc il a commencé, il a reçu la prophétie avec sourate Iqra, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé les 5 premiers versets de sourate Iqra. Pourquoi on ne les lirait pas ensemble? De toute façon, c'est toujours bénéfique, puisque c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sourate Al-Alaq, la première sourate, les premiers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus, c'est dans la sourate 96, le verset 1 à 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Et donc ça signifie lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence, hein, c'est-à-dire quelque chose qui s'accroche. Lis, ton Seigneur est le très noble. Ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Naam. Donc ça c'est les 5 premiers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus la première fois. Et il est devenu messager lorsqu'il a reçu Surat al-Muddathir, la révélation de Surat al-Muddathir. Qu'est-ce que signifie Surat al-Muddathir? On l'a dit, ça veut dire celui qui est couvert d'un manteau. Et les premiers versets de Surat al-Muddathir, le cheikh il va les citer, il va les mentionner, donc on va les lire après. Il dit بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. Ça c'est les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme messager, comme prophète, pourquoi? Pour avertir au sujet du shirk et pour appeler au tawhid. Ça c'est la base de la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le plus important de tout ce qu'il a fait comme prophète dans sa mission. C'est la base et le fondement et la chose primordiale et fondamentale. Et le cheikh explique, il dit Al-Inzar, lughatan, i'lam, ma'at takhwif. Al-Inzar, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Qum fa'anzir, ou bien al-Nazara, le fait d'avertir, c'est d'informer les gens en même temps en leur faisant avoir peur. Tu leur donnes l'avertissement, c'est comme un avertissement en fait. Tu leur dis l'information avec quelque chose qui va leur faire peur. C'est ça, Al-Inzar. Et il dit donc, Ey, liyunzir qawmahu wa yukhawifahum bi'uqubati Allahi tabaraka wa ta'ala liman asahu wa asa rasulahu alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, c'est pour qu'il avertisse son peuple et pour qu'il leur fasse craindre, qu'il leur, c'est pour que le messager sallallahu alayhi wa sallam fasse craindre à son peuple le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala pour celui qui a désobéi à ses ordres et qui a désobéi à son messager alayhi salatu wa salam. Cheikh il dit ensuite wa akbaru ma'siyah ما كان عليه كفار قريش قبل البعثة في جاهليتهم التي فيها من الفساد والضلال ما هو معلوم مما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وحفظته لنا وثائق التاريخ فأمره الله بالنظرة عن الشرك وعن كل رذيلة وكل جهالة وليحل محل الشرك التوحيد ويحل محل الرذيلة الفضيلة ويحل محل الجهل العلم ويحل محل قوانين الجاهلية شرع الله المطهر في بيان الحلال والحرام وسائل الأحكام. Donc il dit la plus grande des, le plus grand de tous les péchés, c'est ce que faisait le peuple de Quraysh, les koufars de Quraysh, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans leur période d'ignorance. Et c'est une période dans laquelle ils vivaient dans le désordre et dans l'égarement total. Hein? Et qu'est-ce qu'on connaît très bien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié à ce sujet-là dans son livre, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans sa sunna, et que l'histoire et les documents historiques ont préservé pour nous au sujet de ce qui se produisait parmi les mouchriquins et les koufars de Quraysh à l'époque avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avertir son peuple à propos du shirk et pour les avertir de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est ignorance, et pour remplacer le shirk par le tawhid, pour remplacer qu'est-ce qui est sale et qu'est-ce qui est bas par le mérite et par qu'est-ce qui est méritoire et noble, et pour remplacer l'ignorance par la science, et pour remplacer également les règles et les lois de l'ignorance et les lois pré-islamiques par la révélation et la législation pure de Allah subhanahu wa ta'ala. Pardon. Non, c'est ça. Donc, pour remplacer les lois de l'ignorance par la législation divine et pure d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la clarification de ce qui est halal et de ce qui est haram, et dans le reste des règles de la religion et de la vie. Ensuite, il dit « Wa baladuhu Makkah » والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فلا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. Donc le cheikh explique que l'endroit d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, c'est Mecca. C'est de là qu'il est né. La preuve et la preuve de ce qu'on a dit, de tout ce qu'on vient de dire par rapport à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il ait ordonné d'appeler au tawhid et d'avertir contre le shirk, c'est les versets de 1 à 7 dans sourate Al-Muddathir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô toi qui es recouvert d'un manteau, lève-toi et avertis. »« Qum fa'anzir » Ça c'est après Al-Alaq. Ouais, tout de suite après Al-Alaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette sourate-là. Les premiers versets qu'il a reçus. Ouais. Donc, après, Al-Muddathir, yani, ô toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Wa rabbaka fakabbir, yani, et ton Seigneur, yani, célèbre sa grandeur. Hein, de ton Seigneur, célèbre sa grandeur. Kabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Et tes vêtements purifie-les. Ça, c'est la traduction que je lis, mais on va voir après l'interprétation de ces versets-là. Qu'est-ce que ça signifie? Wathiyabaka fatahhir. C'est-à-dire, c'est la traduction, de la signification, dans le sens, clair, dans le sens, un des sens qui peut être donné au verset. Mais dans le tafsir, on va plus en détail, en profondeur, dans qu'est-ce que ça signifie réellement. Donc tes vêtements purifie-les et de tout péché écarte-toi et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur, endure ou sois patient. Fais preuve de patience et d'endurance. Le cheikh, il dit que la signification de lève-toi et avertis, c'est-à-dire avertis au sujet du shirk et tu avertis contre le shirk et tu appelles au tawhid, tu appelles à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Zayd, il explique ça maintenant. Cheikh Zayd, il dit: ثم أخبر المؤلف رحمه الله أن مكة حرسها الله هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك في بلده مكة فبلده مكة وبلد آبائه وأجداده خير البقاع وأفضلها زادها الله تكريما وتشريفا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم منها وتطهيره هذا البيت الذي كان موطنا ومكانا للآلهة المتعددة فقد ثبت أنه كان حول البيت 360 صنما تعبد من دون الله عز وجل حتى حطمها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقد كان يشير إليها بعصاه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Donc le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'auteur nous dit qu'il est né à Mecca, qu'Allah la préserve, et c'est le pays donc de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute à ce sujet là c'est le pays, c'est son pays natal, et c'est également le pays natal de ses parents et de ses ancêtres, et c'est le meilleur endroit sur terre. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a anobli et rendu encore plus béni et plus noble avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette ville là et il l'a purifié encore plus par le fait que yani autour de la Kaaba il y avait plein d'idoles qui étaient adorées, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été confirmé, qu'il a brisé et détruit les 360 idoles qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son bâton. Le jour de la conquête de la Mecque, il les a brisées une par une avec un bâton, et il les frappait en disant la vérité est venue, le faux c'est en aller. Certes, le faux c'est ce qui s'en va, c'est ce qui disparaît. Et il a dit ça donc en brisant les idoles. وقد فسر المؤلف رحمه الله صدر سورة المدثر التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدثر هو المغطي بالثياب نتيجة الفزع الذي أصابه من نزول الوحي. Et l'auteur, il a interprété يعني les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala au début de سورة المدثر, يعني que le prophète صلى الله عليه وسلم a reçu lorsqu'il était lorsqu'il a reçu cette première révélation là. Et Al-Muddathir, c'est celui qui est couvert avec un vêtement, et il s'est couvert de ce vêtement là pourquoi? Parce qu'il avait été pris d'effroi, il avait peur, et il a eu peur lorsqu'il a reçu la première révélation, parce que c'était quelque chose de nouveau pour lui. وفي قوله قم فأنذر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لينذر قومه أي ليخوفهم عذاب الله إن استمروا على الإشراك بالله. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit lève-toi et avertis, c'est un discours qui est adressé directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il avertisse son peuple et qu'il fasse peur à son peuple du châtiment d'Allah pour qu'ils cessent de continuer, c'est-à-dire de leur faire peur du châtiment d'Allah s'ils continuaient à faire du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bit-tawhid, c'est-à-dire glorifie, exalte Allah subhanahu wa ta'ala, exalte ton Seigneur, c'est-à-dire exalte-le par le tawhid, célèbre sa grandeur par le tawhid. Le cheikh, il explique maintenant cette partie-là. Il va mentionner chaque partie du verset puis sa signification, puis le cheikh il l'explique après. Donc cette première partie, le cheikh il dit amarahu bi ta'zimihi subhanahu wa ta'ala fi qawlihi wa rabbaka fakabbir, ay azim rabbaka bi tawhidihi bima تحمل كلمة التوحيد من معنى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد وتقسيمها، وهذا هو الحق الذي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. من استكملها وأتى بلوازمها فهو الموحد، ومن انتقص شيئا منها فعنده نقص في التوحيد يجب أن يكمله وأن يتمه أن يتممه والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فكل مكلف من عالم الإنس والجن فهو مأمور بتوحيد الله عز وجل الذي يتجلى في تحقيق تلك الأنواع الثلاثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولوازمها. Donc le cheikh il explique ici, donc ton Seigneur exalte sa grandeur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala, de célébrer sa grandeur, et c'est d'exalter sa grandeur par le tawhid, c'est-à-dire parce que la parole du tawhid peut porter comme signification, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans la souveraineté, et l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Hein? Donc, toutes ces catégories-là sont les catégories de tawhid qu'on connaît très très bien. Ou bien qu'on connaît, qu'on a déjà parlé de ces catégories-là de façon détaillée. وتقسيمها يعني وهذه أنواع التوحيد وتقسيمها وهذا هو الحق الذي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. Et ça c'est la vérité qui a été indiquée par les textes du Coran et de la Sunna. Celui qui a complété son tawhid et qui a ramené toutes les implications du tawhid, tout ce que le tawhid implique, il les a respectés, alors il est al-muwahhid. Al-muwahhid, c'est-à-dire il est quelqu'un qui a complété l'unification d'Allah, hein, qui est sur le tawhid réellement. Tandis que celui qui a une déficience ou quelque chose d'incomplet dans son tawhid, alors dans ce cas-là, il a une déficience dans son tawhid, et il est obligatoire donc pour lui dans ce cas-là de le compléter et de le parfaire. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. L'ordre dans ce verset, quand Allah lui dit يعني قم فأنذر وربك فكبر, يعني lève-toi et avertis et exalte la grandeur de ton Seigneur, exalte la grandeur. Ça c'est un ordre qui est donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais cet ordre elle va aussi à sa umma, c'est-à-dire elle va à chacun d'entre nous par la suite. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien en général ça s'adresse à toute la umma, à tous les musulmans, excepté s'il y a quelque chose de spécifique qui vient restreindre l'appel, qui vient restreindre et dire non, ça c'est juste pour le prophète seulement, pas pour les autres. Mais sinon en général, tout ce qui est mentionné comme ordre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour tous les musulmans, pour toute la umma au complet. Donc chaque musulman, chaque mukallaf, toute personne qui est responsable, qui a atteint l'âge de raison et qui est musulman, hein, et qui a atteint l'âge de puberté ou l'âge de raison, eh bien cette personne, on l'appelle mukallaf, hein, il est musulman, il a atteint l'âge de raison, il peut comprendre, il a réfléchi, eh bien qu'il fasse partie des hommes ou des djinns, il est obligé, il est ordonné par Allah et commandé par Allah d'établir le tawhid d'Allah et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est clairement expliqué dans la réalisation de ces trois catégories dont on a parlé, du tawhid et de tout ce que ces trois catégories-là peuvent avoir comme implication dans la vie et dans la réalité. Donc le cheikh dit ensuite wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Ça c'est ce qui est donné dans la traduction. Le cheikh il l'interprète en disant wa tahhir a'malaka min ash-shirk. Donc les vêtements ici, ça représente en fait tes actions. Hein? Oui, ça représente. Ouais, c'est ça. C'est comme on penserait que ça veut dire de purifier tes vêtements, mais ça veut pas dire ça seulement. Ça veut dire purifie tes œuvres du shirk. Parce que si quelqu'un purifie ses vêtements, mais que dans son action il y a du shirk, ça lui servira à rien d'avoir purifié ses vêtements, n'est-ce pas? On va dire que quelqu'un, par exemple un chrétien ou un juif ou un idolâtre, un bouddhiste ou un hindou, purifie ses vêtements avec de l'eau, il le nettoie. Est-ce que ça suffit pour lui, pour être musulman, juste parce qu'il a lavé ses vêtements ou purifié ses vêtements? Non. Parce qu'il faut qu'il purifie sa croyance, premièrement, dans son cœur, qu'il élimine le shirk qui est dedans, et il faut qu'il purifie également ses actions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il adore d'autres que Allah. S'il adore d'autres que Allah, yani, ça veut dire qu'il a commis du shirk. Donc, même s'il purifie ses vêtements, yani, dans ce cas-là, ça ne suffit pas. Aynam. طهر أعمالك من الشرك كما أمر يقول الشيخ يعني الشيخ زيد الدي كما أمره ربه بالطهارة في قوله وثيابك فطهر قال المؤلف طهر أعمالك من الشرك وهو تفسير حق غير أن الطهارة إذا أطلقت على العموم هكذا فهي تشمل الطهارتين الطهارة الحسية وَالْتَهَارَةُ الْمَعْنَوِيَّةِ. Donc le cheikh il explique que comme ici Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, hein, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la purification, de faire la purification, et il dit ici purifie tes vêtements. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit purifie tes actions du shirk, et il dit que cette explication et cette interprétation c'est vérité, c'est quelque chose qui est vrai. Sauf que la pureté, lorsqu'on l'a dit de façon absolue, hein, quand on parle de tahara, la purification ou la pureté, si on l'a dit de façon générale, ça implique yani, soit une des deux, la purification yani, réelle et concrète, yani, celle qui est physique, et la purification abstraite ou bien symbolique, dans le sens que tu te purifies le cœur du shirk dans tes croyances. Le shaykh il explique, il dit en note de bas de page ici wa qala ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabihi ighathatul lahfan min masayid ash-shaytan ma nassuhu fa'lam annaha huna arba'at umur amran hissiyan wa amran ma'nawiyan fan-najasatu allati tazulu bil-ma' هي مزيلها يعني هي ومزيلها حسيا وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي مزيلها المعنويان وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان كما في حديث الدعاء بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة انتهى كلامه. سبحان الله. Donc l'imam ibn al-Qayyim al-Jawziyya il explique ici dans son livre Ighathatul Lahfan. C'est un livre qui est écrit par Ibn al-Qayyim. Ighathatul Lahfan, ça veut dire abreuver la personne qui a soif. Contre les ruses du shaitan. Min masayid al-shaitan. C'est un très très très bon livre. Il dit donc, sache qu'il y a quatre choses à savoir ici. Il y a deux choses concrètes et deux choses abstraites. L'impureté qui est enlevée par de l'eau. Et donc, qu'est-ce qui l'enlève? C'est deux choses concrètes. Et les traces des péchés qui sont enlevés par deux choses, c'est-à-dire la repentance et la demande de pardon. Donc, qui sont deux choses abstraites. Et donc, la purification du cœur, ainsi que la vie et les délices du cœur, ne peuvent être complétées que par ces deux choses-là. La purification du corps par l'eau, hein, ou bien par exemple par le tayammum, si on n'a pas d'eau, et la purification par la repentance et le fait de demander le pardon. Et ça, c'est abstrait, c'est quelque chose qui est symbolique ou quelque chose qui n'est pas concret, palpable. Et chacun de ces deux catégories-là ont quelque chose qui est indiqué par une parole de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, qui comprend les quatre catégories qu'on vient de mentionner de façon très bien résumée et très bien clarifiée dans le hadith de l'invocation qu'on fait après le wudu. Quand on fait le wudu, on purifie notre corps avec de l'eau. Ça, c'est la purification concrète. Et quand on a fini, on dit « Oh Allah, fais que je sois parmi les repentants, c'est-à-dire ceux qui se repentent constamment, et fais que je sois parmi ceux qui se purifient constamment. » Après le wudu. Oui, tu dis « Allahumma ja'alni min al-tawwabin, wa ja'alni min al-mutatahirin. » Et ça implique que la tawba, c'est une purification de l'intérieur, parce que tu te repens à Allah, donc tu purifies ton cœur, et al-mutatahirin, il y en a qui se purifient avec de l'eau, en faisant le wudu. Hein? Et donc, il y a les deux ici qui sont présents, les deux exemples qui... Non. Donc, ça, c'est quelque chose qui est mentionné ici, et le cheikh il va les expliquer chacune des deux catégories de purification en détail. وَالْرُجْزَ فَهَجُرْ الْرُجْزَ الْأَصْنَامِ وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلَهَا وَالْبَرَاءَ مِنْهَا وَمِنْ أَهْلِهَا. Et donc le cheikh il dit que وَالْرُجْزَ فَهَجُرْ, c'est-à-dire écarte-toi de tout péché, tel que c'est traduit dans la traduction. Le cheikh il explique que en réalité ça veut dire écarte-toi des idoles. C'est ça que ça veut dire. Écarte-toi des idoles. Parce que arruj, le terme arruj, ça veut dire les idoles. Ça veut dire les idoles. Al-asnam. Et le fait de s'en écarter, al-hajr, hein, fahjur, c'est le verbe impératif de al-hajr. Hein. Donc, fahjur, c'est-à-dire écarte-toi. C'est-à-dire tu les abandonnes. Mais pas juste les idoles, tu les abandonnes elles, ainsi que ceux qui les adorent. Hein, ainsi que ceux qui adorent les idoles. Et al-bara'a minha wa min ahliha, minha wa ahliha, c'est-à-dire tu te désavoues complètement des idoles et de ceux qui adorent les idoles. Hein? Et le cheikh il dit ensuite wa taharatu, cheikh Zayd il explique, il dit wa taharatu al-ma'nawiyya al-muradu biha at-tatahhur min danas ash-shirk bi naw'ayhi kabirihi wa saghirihi wa وشتى صوره وسائل البدع والمعاصي إذ إن الشرك والبدع والمعاصي قذارة ووساخة للقلوب والأرواح والجوارح ولذا نلمس معنى الدعاء المأثور في الاستفتاح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالخطايا تكون قذارة ووسخ ودنس يلوث القلب ويلوث الأرواح والجوارح ولا يتطهر منها أو يتطهر منها الإنسان إلا بفعل الطاعة. Donc le cheikh il explique que la purification abstraite ou symbolique, c'est représentée par le fait de se purifier de toute impureté, comme le shirk, dans toutes ces catégories, dans ces deux catégories, le shirk majeur et le shirk mineur. Et il dit, et toutes les différentes formes que peuvent prendre le shirk, peu importe les différentes manifestations et différentes formes de shirk, et les différentes sortes de bid'ah et de péchés, les innovations et les désobéissances. Et que, donc, il dit le shirk, donc, que le shirk, les bid'ah et les péchés sont des saletés en réalité. C'est comme des choses sales. Hein? Le shirk, les bid'ah et les péchés, c'est comme de la saleté. C'est comme des déchets. C'est comme des choses sales. Ça salit le cœur. Ça salit l'âme et ça salit le corps. Et c'est pour cette raison-là que on a dit dans le doa qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'introduction et l'ouverture de la salat, lorsque tu commences ta prière, tu dis la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée: Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawb al-abyad min ad-danas. C'est-à-dire, oh Allah, nettoie-moi de mes péchés de la même manière que le vêtement blanc est nettoyé des saletés. De la même manière qu'on nettoie des saletés le vêtement qui est blanc. Hein, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, yani, le cheikh il explique que yani, les péchés c'est de la saleté, c'est de l'impureté. Hein. Et ça pue, et ça pollue le cœur. Et ça fait de la pollution pour l'âme. Et de la pollution pour le corps. Et l'homme ne peut pas être nettoyé de cette impureté et de cette saleté-là, sauf en faisant des actes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point en même temps, juste pour yani, faire une parenthèse. Yani, quand tu réfléchis, les gens et les environnementalistes, ils disent oh, la nature est polluée, les mers, les océans sont pollués, il y a la pollution partout, parce qu'il y a des déchets, les gens ils polluent la terre. Et ils donnent à ça beaucoup, beaucoup d'importance. Ils disent il faut enseigner aux enfants depuis qu'ils sont petits de ne pas faire des saletés, de ne pas faire de la pollution, de préserver la terre pour l'avenir et des choses de ce genre. Pourtant, à la source de la pollution, c'est la pollution de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. La pollution du cœur. Hein? Si le cœur de l'homme est pollué, c'est là qu'il va polluer à l'extérieur. Hein? Et ça, c'est un point très intéressant, très important. Et c'est bien de réfléchir à ces choses-là, parce que c'est là que quand l'être humain est pollué dans son cœur, pollué dans son intérieur, qu'il va faire de la pollution à l'extérieur. Après le cheikh il dit وَكَمَا تَشْمَلَ الطَّهَارَ الْحِسِّيَّةَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَتْ بِهَا أُمِرَتْ بِهَا الْأُمَّةِ كَمَا تَشْمَلَ الطَّهَارَةُ الْحِسِّيَّةَ الَّتِي أُمِرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِرَ بِهَا الْأُمَّةُ وَهِيَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ وَطَهَارَةُ الْبُقْعَةِ التي تتخذ مصلى والآية تحتمل المعنيين وتتجه إليها لأن التطهير من دنس الشرك أمر مطلوب بالدرجة الأولى والتطهير أيضا من النجاسات والحدث والخبائث على اختلاف أنواعها أمر مطلوب للشارع كذلك. Donc le cheikh il dit de la même manière donc que dans on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que la umma a été ordonnée de se purifier de façon concrète, de se purifier de façon concrète avec de l'eau, de se nettoyer, de se laver, eh bien on est également ordonné de purifier yani nos âmes yani du shirk. Comme on doit purifier notre corps, on doit purifier yani, l'endroit où on prie, nos vêtements, notre corps et l'endroit quand on veut prier, il faut les purifier, eh bien, yani, ça c'est une des significations qui peut être acceptée par rapport au verset, parce que ça c'est une des significations de la purification. Tandis que l'autre purification qui est la purification abstraite, hein, de se purifier du shirk, de se purifier de l'idolâtrie, d'associer avec Allah, ça c'est encore plus important que la purification physique. Et donc les deux significations sont comprises dans le verset. Hein? Les deux significations sont impliqués aussi. Parce que c'est plus important de purifier son âme et son cœur du shirk que de purifier son corps de l'impureté physique, et également de purifier nos actions du shirk aussi. C'est plus important que de purifier nos vêtements d'une impureté qui est physique aussi. Et donc ça, c'est des exemples que le cheikh a clarifié ici, pour dire que les deux sont ordonnés. وفسر المؤلف فسر المؤلف الرجز بالأصنام الرجز بالأصنام وأمر بهجرها إذ إنه لا يتم التوحيد إلا باجتناب عبادة الأصنام والأوثان التي كان يعبدها كفار قريش بل كفار العرب قاطبة قريش ومن يأوي إليها وغيرهم من مخلوقات الله على وجه الأرض قبل البعثة النبوية إلا من كان على ملة إبراهيم عليه السلام فبقي عليها أو بقايا من أهل الكتاب. Donc le cheikh il dit qu'on a expliqué le terme al-rujz par les idoles et l'ordre de s'en écarter, parce que tu peux pas compléter le tawhid excepté en t'écartant du shirk, excepté en t'écartant de l'adoration des idoles. Tu ne peux pas compléter ton tawhid sauf si tu t'es écarté des idoles. Et il parle des idoles que les gens de Quraysh adoraient, la tribu de Quraysh, les koufars de la tribu de Quraysh. Il dit que même que tous les Arabes adoraient des idoles, pas seulement Quraysh. Quraysh c'est une tribu parmi les Arabes, mais tous les Arabes adoraient des idoles, et pas seulement même les Arabes, même ceux qui venaient s'abriter, qui venaient habiter parmi eux, ils faisaient le shirk aussi. Donc c'est à dire qu'à l'époque, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne, tout le monde sur la terre faisait le shirk parmi les créatures d'Allah, excepté quelques personnes qui étaient restées sur la religion d'Abraham et quelques êtres humains qui étaient restés sur la religion des gens du livre, qui étaient restés accrochés à la religion des gens du livre. Wa lamma kana i'lam al-bara'a min ash-shirk wa ahlihi amrun matlubun. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Amrun matlubun iz la yakfi an tutrak ash-shirk walakin وعليكم السلام ورحمة الله. ولما كان إعلان البراءة من الشرك وأهله أمر مطلوب إذ لا يكفي أن تترك الشرك ولكن تترك الشرك وتتبرأ منه أي من عمله وتتبرأ من أهله وتعلن لهم البراءة وهذا أصل في البراءة من المعاصي على عمومها ومن العصاة سواء من أهل الشرك أو من أهل النفاق أو من أهل البدع أو من أهل كبائر الذنوب تتبرأ منهم والبراءة من كل شيء بحسبه وكل شيء يقدر بقدره. Donc qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il explique que de déclarer son désaveu pour le shirk et pour les gens du shirk, c'est quelque chose qui est exigé par Allah pour nous. On doit se désavouer du shirk et des gens du shirk. Et il dit que ce n'est pas suffisant juste de cesser de faire le shirk et de cesser d'adorer des idoles. Mais il faut, en plus de cesser de le faire et d'abandonner le shirk, en plus de ça, il faut se désavouer de ceux qui le font, c'est-à-dire de le faire lui-même, c'est-à-dire se désavouer du shirk lui-même et de ceux qui le font. Donc tu te désavoues des gens qui font le shirk et tu déclares ouvertement ton désaveu du shirk et des gens du shirk. Et ça c'est le fondement, c'est un fondement dans le fait de se désavouer. Et de se désavouer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dis moi je veux plus rien savoir, j'ai rien à voir avec eux, j'ai rien à faire avec ça. C'est ça que ça veut dire al-bara'a. OK? Et donc tu te désavoues et tu le déclares. Et ça, c'est un fondement dans le fait de se désavouer de la désobéissance de façon générale. Que ce soit de se désavouer des gens qui font des péchés, ou de se désavouer des gens qui font le shirk, ou des gens qui font l'hypocrisie, le nifaq, ou des gens qui font des bidah, ou des gens qui font des grands péchés parmi les kaba'ir. Yani, tu te désavoues de tous ces gens-là. Et le désaveu de ces catégories-là, chacune selon ce qu'elle mérite et ce qu'elle comprend ou de ce qu'elle yani, doit recevoir comme désaveu, chacun selon sa mesure. Hein? De se désavouer des mouchriquins et des kuffars et de leur shirk et de ce qu'ils adorent, ça c'est une forme de bara'a, selon une catégorie de bara'a. De se désavouer par contre de ceux qui commettent des péchés parmi les musulmans, ça c'est pas la même chose nécessairement. Parce que les koufars et les mouchriquins, tu te désavoues d'eux de façon totale, complète. D'eux et de ce qu'ils font. Tandis que tu te désavoues des pécheurs musulmans, mais tu te désavoues, disons, de ce qu'ils font comme action, comme péché, mais pas d'eux en tant que musulmans. Yani, tu dois les détester selon la portion de désobéissance qu'ils ont. C'est pour ça qu'on dit, tu les aimes et tu les détestes. Ceux qui font des péchés, tu les aimes et tu les détestes. Tu les aimes pour Allah, pour le bien qu'ils ont, pour la foi qu'ils ont, mais tu les détestes par rapport au péché qu'ils font et à la désobéissance qu'ils ont. Aïna. Ensuite, le cheikh, il dit quoi? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حالك يا مروان؟ الحمد لله. Donc le cheikh il dit: ولما كان شأن التوحيد عظيم إذ إنه مفتاح الجنة والعاصم في الدنيا للدم والمال والعرض وفارق بين المسلمين والكفار فالموحد هو المسلم والمشرك شركا أكبر هو الكافر. Donc le cheikh, étant donné que l'affaire qui est yani, la question du tawhid, c'est quelque chose de très important, très grand, parce que c'est la clé du paradis, et c'est qu'est-ce qui va te préserver yani, dans cette dunya, qui va préserver ton sang, tes biens et ton honneur, et qui va te distinguer, yani, qui fait la distinction entre les musulmans et les non-musulmans, parce que celui qui est sur le tawhid, c'est lui qui est musulman, et celui qui est mushrik, qui fait du shirk, c'est-à-dire qui adore d'autres avec Allah, et qui fait une forme de shirk majeur, c'est lui qui est le mécréant. Et le cheikh il dit: وَلَمَّا كَانَ الْقَوْمُ فِي جَهِلِيَتِهِمْ لَا يَعْرِفُونَ مِنَ الْعِبَادَةِ إِلَّا الْأَصْنَامُ وَالْأَوْثَانِ وَالتَّبَرُّكُ بِهَا وَاللُّجُوءُ إِلَيْهَا فِي حَالِ الشَّدَائِدِ وَالْكُرُوبِ غَالِبًا إِذْ قَدْ يُخْلِصُونَ لِلَّهِ فِي بَعْضِ الشَّدَائِدِ وَالْكُرُوبِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أما في حال الرخاء فإنهم لا يقدمون ولا يؤخرون إلا بعد التمسح بأصنامهم وأوثانهم سواء كانت أشجارا أو أحجارا أو أخشابا منحوتة أو شمسا أو قمرا أو نحو ذلك من المعبودات الباطلة التي كانت تعبد من دون الله حيث قد زين الشيطان لهم عبادتها كما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ولما كان هذا شأن التوحيد وكان ذلك وصف الأمة وحالها الذي هو الاتفاق على الباطل في مقدمته الشرك والبدع والذراء والرذائل. اي نعم. Donc le cheikh, et on va terminer avec ça aujourd'hui, le cheikh il dit, étant donné que yani, les mushrikoun à l'époque, lorsqu'ils étaient dans l'ignorance et dans la jahiliya, eh bien, ils ne connaissaient rien d'autre que l'adoration des idoles, l'adoration des awthan, et le fait de chercher la bénédiction de ces idoles-là, et de se réfugier en elles dans les difficultés, dans les moments de détresse, en général, hein, parce que le cheikh, il dit que c'est possible que lorsqu'ils étaient dans des moments de détresse, ils se tournaient vers Allah uniquement et ils n'adoraient personne d'autre que Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 65 dans Surat Al-Ankabut, il dit, lorsqu'ils montaient dans le bateau, ils adoraient Allah en lui vouant un culte pur et en adorant que lui. Mais lorsqu'ils étaient sur la terre ferme, voilà qu'ils commettent le shirk. Mais quand ils étaient dans les moments d'aisance, eh bien, yani, ils commençaient à adorer les idoles. Et yani, ils adoraient leurs idoles, et peu importe qu'est-ce que c'était ces idoles-là, que ce soit des arbres, des pierres, du bois sculpté, ou bien le soleil ou la lune, ou autre, parmi les différentes choses fausses qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et le shaitan leur avait embelli cette adoration-là en dehors d'Allah, comme c'est mentionné dans le verset 8 dans Surat Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que celui à qui on a embelli son action, alors qu'il, yani, au point où il la voit belle, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il égare qui il veut et il guide qui il veut. Et donc, que ton âme ne soit pas remplie de tristesse pour eux, Allah certes est bien connaissant de ce qu'ils font. Et donc, on a compris maintenant que ça, c'est l'importance du tawhid. Et c'est ça la description de la Ummah et de la situation dans laquelle elle était à cette époque-là. Et ils étaient tous d'accord sur le faux. Et il y en a, disons, la base de ça, c'était quoi? Ou l'introduction de ça, c'était quoi? De cette fausseté-là, c'était bien entendu le shirk, les bidars et les, il y en a toutes les choses, les bassesses, il y en a les choses qui sont mauvaises. Et donc, ça, c'est l'état de la Ummah, c'est-à-dire ou bien des gens ou des êtres humains qui vivaient à cette époque-là avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça ce qu'ils faisaient comme religion, qu'ils suivaient comme religion avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la suite, on va lire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wah et comment il a rempli sa mission d'appeler au tawhid et d'avertir contre le shirk. On s'arrête ici donc pour maintenant, Inch'Allah. Puis, si quelqu'un, Inch'Allah, veut faire le adhan, comme ça on va pouvoir commencer la salat après, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.